Chapitre 20e. Justice et vengeance. Angèle ne partit finalement pas, car elle ne savait où aller. Les communautés religieuses fermaient les unes après les autres. Les prêtres réfractaires commençaient à être sévèrement pourchassés. Les tours révolutionnaires se refermaient doucement, mais sûrement. Les commissaires venus de Paris avaient commencé par faire arrêter certains suspects, mais finalement, les preuves manquant, les administrations les relâchèrent par souci d'apaisement. Ainsi, les officiers du Lyonnais, emprisonnés depuis l'affaire du café Guyon, furent élargis, faute de témoignages crédibles. Seuls les assassins de Pascalis, du marquis de la Roquette, de Guéramont et de bien d'autres, supprimés à la sauvette, ne furent ni arrêtés ni poursuivis. Pour beaucoup de patriotes, c'était normal puisqu'ils avaient fait œuvre de salut public. Par ces rodomontades, ces accès de haine, ces colères, la Bérive commençait à lasser tout le monde. Ne trouvant plus de proie royaliste à pendre lanterne, à donner en pâture à la vindicte patriotique, il finit par s'en prendre aux révolutionnaires eux-mêmes, en dirigeant ses foudres contre les amis de la Constitution. Corentin fit les frais de ses combats d'arrière-garde. Un matin d'avril, un peloton de gardes nationaux fit irruption dans la rue de la Croix-Jaune. Parvenu au carrefour, les soldats mirent l'arme au pied. Le chef se dirigea droit vers l'atelier de Corentin où il entra sans avoir frappé. « Corentin Gassin ?» demanda l'officier. « Bah, c'est bien moi. Tu es déclaré de prise de corps, suis-nous. » Corentin posa ses outils. Armande, qui travaillait sur un autre établi, s'écria. « Vous pourriez au moins nous dire ce qu'il a fait. On n'arrête pas les gens comme cela. » « Je crois que c'est pour l'affaire de l'assassinat d'Octave Larieux, » répondit l'officier. « Encore cette affaire ?» se lamenta Corentin. « Mais ça remonte à plus de 5 mois, j'ai déjà été disculpé. »« Écoute, citoyen, tu perds ton temps et tu me le fais perdre. Ce n'est pas avec moi qu'il faut discuter, tu le feras avec le juge. Allez, avance sans barguigner, » commanda l'officier. « Attendez, » dit Armande, « je viens avec lui. »« Non, femme, ce n'est pas possible. » « Ne m'oblige pas à utiliser la violence. Reste sagement chez toi et tu seras prévenu des suites données à l'affaire. » Par expérience, Armande savait pertinemment qu'il n'en serait rien. Mais pour ne pas aggraver le cas de Corentin, elle se calma et l'embrassa en guise de revoir, en retenant ses larmes. À l'oreille, Corentin lui glissa « Préviens Nicet, il saura quoi faire. » Corentin fut d'abord conduit à la maison commune pour y rencontrer le juge qui instruisait l'affaire. Ce dernier occupait un bureau provisoire au second étage de l'aile nord du bâtiment. Corentin Gassin, une plainte a été déposée contre toi. Tu es accusé d'avoir fait disparaître la famille du notaire Morel, ci-devant de Roncajoles, avec ton complice Octave Larieux, que tu es également accusé d'avoir assassiné. Tiens, se dit Corentin, j'ai maintenant un crime de plus sur le dos. Ce n'est pas Morel lui-même qui a pu déposer plainte pour l'avoir fait disparaître. De qui vient donc ce coup ? « Citoyen juge, puisse savoir qui ?»« Silence !» le coupa le juge. « Tu pourras parler quand j'aurai fini. Donc, je continue. Avec ton complice, vous avez soutiré une grosse somme d'argent au notaire, en lui faisant croire qu'il était menacé de mort, lui et sa famille. Sous prétexte de les mettre à l'abri, vous les avez séquestrés dans ta cave. Après quoi, vous les avez fait disparaître, puisqu'ils n'ont plus donné signe de vie, personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. » C'est sûr qu'il n'allait pas faire parler d'eux puisqu'il se croyait menacé de mort, pensa Corentin. Une fois votre coup fait, vous vous êtes disputé, Larieux et toi, au sujet de l'argent. Tu l'as oxy et volé le butin. Voilà, citoyen, maintenant je t'écoute. Citoyen juge, je constate que la personne qui a porté plainte contre moi est bien au courant de l'affaire. Comment aurait-elle pu connaître tous ces détails sans y avoir participé? Je veux savoir qui m'a calomnié de la sorte. Non, répondit le juge, pour l'instant tu ne dois pas le savoir. Qu'as-tu à dire? « Tu vois bien, citoyen juge, que tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges inventé par quelqu'un qui veut me nuire. Si tu crois ce qu'on t'a raconté, tu admets que cette personne a participé elle-même à cette affaire. Je pense que cela doit être le cas, et elle veut me faire porter le chapeau à sa place. Les délits que cet accusateur m'attribue sont en fait à mettre à son compte. »« C'est tout ?» demanda le juge. « Il me semble que c'est déjà beaucoup. Tu ne peux nier que tu connaissais Larieux. Bien évidemment, c'était mon voisin immédiat. Je le rencontrais presque tous les jours. » Mais je n'ai jamais fait d'affaire avec ce genre de personnage, ni de telles embrouilles avec personne d'ailleurs. Je suis un artisan reconnu et un honnête citoyen. » Jusque-là, Corentin n'avait dit que la vérité. Mais il croyait comprendre d'où pouvait venir ce coup. Il se dit qu'il devait adopter la même ligne de défense que la première fois qu'il avait été arrêté. « Je n'aimais séquestrer personne dans ma cave. Je m'en sers pour entreposer les pièces que j'ai déjà terminées. Les gens du quartier peuvent en témoigner d'ailleurs. Et puis je n'ai aucun lien. » avec la famille de Roncajol. Pourquoi aurais-je plus particulièrement choisi cette famille précisément ? Corentin avait de plus en plus l'impression d'être une mouche enfermée dans un bocal. Continue de nier qu'il y avait eu des gens dans sa cave et qu'il valait à se priver du témoignage de Morel. D'ailleurs, Morel lui-même pouvait-il venir témoigner ? Acceptera-t-il de sortir de l'anonymat ? D'autre part, révéler qu'il connaissait Morel, c'était implicitement reconnaître que l'épisode de la cave était plausible. Autrement, il fallait inventer un conte à dormir debout pour expliquer comment il avait connu Morel d'une autre façon. Tout en parlant, il avait l'affreuse impression de côtoyer un précipice. Il ne croyait pas Morel capable de lui avoir joué un tour de singe. Il lui avait dit qu'il n'oublierait pas sa dette. Ce n'était pas pour le jeter dans la gueule du loup. Le seul qui pouvait avoir manigancé cette accusation, ce devait être Ronchin, le troisième homme de l'affaire. Mais quel était son mobile pour l'accabler de la sorte? Savait-il que la mort de son acolyte, tué dans la rue du Plan en pleine nuit, était due à quelqu'un d'étranger à la rixe? Peut-être Ronchin se battait-il à ses côtés ce soir-là? Toutes ces questions tournaient dans la tête de Corentin comme une tempête. Comment sortir de là? Il s'était lui-même enferré, comme un poisson imbécile. Il ne pouvait pas changer de défense. Il fallait continuer de nier, et seule la Providence pouvait lui venir en aide. Lorsqu'Anisset apprit la nouvelle de l'arrestation, le découragement lui tomba sur les épaules comme un bloc de pierre. « Encore avec ça ? » s'écria-t-il. Il connaissait son Corentin par cœur, et il ne fallait pas être un aigle pour deviner la façon dont il devait se défendre. Sa pensée chemina de la même façon que celle de Corentin. « Comment sortir de là ? » conclut-il aussi. « Morel, voilà la solution, incontournable !» Mais comment entrer en contact avec lui alors qu'il se cachait plus ou moins, et qu'il était aussi connu sous un faux nom ? Anisset réfléchit pendant un bon quart d'heure. Finalement, la démarche s'imposa à lui, elle était lumineuse. Il s'en ouvrit à Manon qui trouva qu'effectivement l'idée était bonne et pouvait réussir. Anisset décida de la mettre aussitôt à exécution. L'air était doux, et les odeurs de campagne étaient tellement puissantes qu'elles parvenaient à pénétrer la ville. Anisset, une tapisserie sous le bras, descendit la rue des Orfèvres, la rue Beauvaisais, et s'engagea enfin dans la rue de la Masse. Il toqua à la porte du notaire et dut s'y reprendre plusieurs fois pour se faire enfin ouvrir. Une petite vieille toute vêtue de noir entrebâilla la porte. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda la femme d'un ton peu amène. Anisset salua la femme d'un grand coup de chapeau avec un large sourire. « J'ai une tapisserie pour le maître de maison. C'est une commande qui m'a été faite il y a plus de 6 mois, mais depuis personne n'est venu la chercher. » « Et puis après ?» demanda la vieille d'un coup de menton avec une pointe de défi dans la voix. « Eh ben... « Je ne l'ai pas la garder sur le ventre. »« Fin de jour, dojo, jamène, d'arrier. »« Je suis venu vous la porter. »« Et il faut me payer. »« Sinon, ajouta-t-il, j'appelle la garde. » La vieille ne répondit pas, mais scruta attentivement le visage d'Anisset. « Et que s'y as-tu ? » ?»« Anisset Humbert, tapissier rue de la Porte Peinte, en dessous de Saint-Sauveur, » répondit-il fièrement. « Reste à qui ? Va au verre. » La vieille s'éclipsa. Une longue attente commença. Anisset entendit des voix à l'étage. La vieille semblait se disputer avec une autre femme. Finalement, Anisset entendit des pas descendre l'escalier. Une femme, plus jeune et corpulente, s'encadra dans l'entrée. Elle s'essuya les mains sur son tablier. Devant son air interrogateur, Anisset dut recommencer sa requête. « Siaou, paou, fiaou !» affirma la femme. Anisset comprit que cette femme devait être la cuisinière qui faisait également fonction de gouvernante, et peut-être même d'autres choses à ses heures perdues. Au regard qu'elle lui lançait, Anisset comprit qu'elle le trouvait plutôt sympathique et il décida de pousser cet avantage. « Citoyenne, dit-il, je sais que le maître est revenu, il nous a rendu visite. Dis-lui que Corentin, l'ébéniste et Anisset, le tapissier, ont besoin de lui. Il faut que je lui parle. C'est une question de vie ou de mort. Quant à la tapisserie, je te l'offre, » ajouta-t-il en attendant la femme avec un grand sourire. La femme reçut le présent avec gratitude. « Je vais prévenir le maître. Entre, citoyen !» Anisset la suivit à l'étage et patienta dans un petit cabinet qui devait servir autrefois de salle d'attente au notaire. Au bout de quelques minutes, Morel parut, un peu plus voûté qu'avant, en chemise et la tête couverte d'un bonnet informe. « Ah » fit-il en écartant les bras. « Mon ami, je t'ai reconnu. Tu es le seul homme à m'avoir fait porter un froc. Toi, tu n'as pas changé depuis ces longs mois. Mais moi, tu vois, je ne peux pas en dire autant. » Il avait toujours la même voix douce, légèrement voilée et pourtant bien audible. « Martoun, s'écria-t-il, porte-nous dans mon bureau de ce vin du comtat, tu sais. » La pièce où il fit pénétrer Anicet était la plus luxueuse de la maison. De beaux lambris au ton chaud ornaient les murs et les meubles précieux, dénotés avec l'austérité du reste de la demeure. Morel s'assit et désigna un siège à Anicet. « Que puis-je pour vous deux, mon ami? Je vous dois beaucoup. » Anicet lui expliqua dans quelle galère Corentin se trouvait, du fait certainement de ce ronchin qu'il avait calomnié. « Je suis prêt à aller témoigner, » répondit Morel. « Je n'ai plus besoin de me cacher, car je suis au mieux avec l'abbé Rive. Il me mange dans la main, au propre comme au figuré. Il ne peut me refuser quoi que ce soit. Je compte lui demander la tête de ce coquin de ronchin. J'attendais jusqu'ici, mais je crois que le moment est venu d'écraser la tête de ce serpent. » « Il ne faut pas le tuer tout de suite. Il doit d'abord revenir sur sa déclaration. Toi, citoyen, tu devrais témoigner que... »« Ouh, tapissier, tu oublies que je suis homme de loi. Je crois que je sais mieux que toi ce que je dois faire. » Lui fit remarquer Morel avec un doux sourire où pointait un peu de moquerie. « C'est vrai, pardonnez-moi, » dit Anicet, le vouvoiement lui échappant. « Vous allez mentionner votre passage dans la cave, oui ?»« Mais non, surtout pas. Corentin jure que personne n'a jamais été dans sa cave. » « Si vous le dites, il faudra expliquer que cela a été à son insu, ce que ne croira certainement pas le juge. Et puis, vous n'allez tout de même pas dire que nous vous avons aidé à fuir la ville. Nous risquons d'avoir des problèmes, même avec la bénédiction de Rive. Le mieux serait de dire que vous vous êtes enfui sous des déguisements, une fois la rançon versée. Après, vous pourrez raconter les malheurs que vous avez rencontrés. Dans le fond, il n'y a que Ronchin qui connaisse l'existence de la cave, et si l'abbé lui fait fermer son clapet, pour toujours. » Morel se tapa sur les cuisses d'un air réjoui. « Miladius, citoyen, sais-tu que tu aurais fait un excellent avocat? C'est toi qui as raison. Allez, buvons un coup à la santé de Corentin et à la mémoire des disparus. » Puis, ayant bu, Morel ajouta, « Je viendrai te chercher quand j'irai voir le juge. Comme ça, tu seras directement informé. » Le lendemain, vers 9 heures, un gamin, devant servir de basidir à Morel, vint prévenir Anicet que le notaire l'attendait dans la cour de la mairie. Il se prépara, mais au moment de partir, tomba nez à nez avec un homme. Anicet reconnut le brigand à qui Corentin avait construit la telle. « Je viens d'apprendre que Gassin était arrêté, » dit l'homme. « Si je peux être utile à quelque chose, citoyen, je veux bien vous aider. Ta femme m'a cassé le bras, mais ton ami m'a bien soigné, le chanoine aussi. Sans vous, à 7 heures, je serai en prison. Aujourd'hui, je mange à ma faim, à l'abri. Je suis le plus heureux des hommes. »« Avez-y, caissias, garit. Tes collègues sont toujours sous les verrous. « Heureusement. Et toi, que vas-tu faire ?»« Je suis resté avec le chanoine. Nous nous entendons bien et c'est un homme bon. Il n'y a presque plus personne à Saint-Sauveur. Monsieur le chanoine a fini par prêter serment pour ne pas être obligé de quitter ses collections et c'est aussi un curé constitutionnel qui dit maintenant la messe. Moi, je n'ai pas remarqué qu'il la disait moins bien que celui d'avant. Mais bof, je n'y comprends goutte à ces choses-là. »« Bien. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de toi. » « Mais nous viendrons te chercher si tu peux nous être utile. » L'homme toucha son bonnet et s'en retourna. Anicet trouva Morel dans la cour de la mairie comme convenu. Pour l'occasion, il s'était métamorphosé. Habit noir à longue basque, culotte et bas noir, souliers à boucles, opulente cravate bouffante, perruque courte, la parfaite panoplie du bourgeois de robe. Seule note de fantaisie, un tricorne de feutre écru sur lequel une grosse cocarde étalait ses 3 couleurs. Il s'appuyait sur une canne à pommeau d'argent qui renforçait encore sa noble apparence. « J'ai déjà demandé l'audience au juge. Nous allons monter ensemble. » Au second étage, un greffier dit à Morel que le juge allait le recevoir incontinent. Il n'eut pas un regard pour Anicet, les artisans ne devant pas côtoyer la basoche. Au bout de 2 minutes, Morel fut introduit et Anicet dut rester dans le couloir comme un élève puni. « J'ai appris par une indiscrétion, je dois le reconnaître, que mon nom était cité dans une affaire que vous instruisez. » Le juge, patriote peu zélé, semble apprécier ce vouvoiement qui les plaçait d'emblée dans une conversation entre gens de qualité. Il expliqua complaisamment de quelle façon le nom du notaire était cité. Il ajouta « Je suis bien aise de voir que vous êtes bien vivant, maître. L'accusation d'assassinat tombe d'elle-même. Je ne sais pas si mes agresseurs m'auraient finalement raccourci. En tout cas, ils n'en ont pas eu le temps. » Et Morel raconta ce qui avait été décidé avec Anicet. Jusqu'à la cave, le récit était conforme à la vérité. Morel allait être arrêté, et il lui avait fallu s'enfuir avec les siens pour éviter le pire. Un homme, un dénommé Ronchin, était venu l'en prévenir et lui avait offert de le mettre à l'abri, moyennant finance. Un rendez-vous avait été convenu dans l'église du Saint-Esprit où un autre homme vint les rejoindre vers minuit. Morel avait payé recta et l'homme les avait guidés dans Aix. Au passage, L'individu avait assassiné un patriote d'une milice dans la rue de l'Annonerie Vieille. Arrivé au voisinage de la porte Bellegarde, leur guide leur faussa compagnie, Morel ayant eu le tort de le payer d'avance. « Il n'y a donc pas eu d'histoire de cave ? Pas le moins du monde. Que me parlez-vous d'une cave ? Bon, et après, que s'est-il passé ? Nous nous sommes cachés dans les portes cochères et nous avons finalement trouvé refuge dans la chapelle de la Visitation, rue Bellegarde. Au matin, dès l'ouverture des portes, nous avons fui la ville. » Morel ensuite raconta succinctement les malheurs que lui et les siens avaient subis, le décès de son épouse et de sa fille, ses déboires dans sa terre du Luberon et son retour discret au bout de quelques mois. « Ah, citoyen juge, j'ai eu bien des malheurs, je vous l'assure. »« Bien, bien, » marmonna le juge qui paraissait embarrassé. Morel attendit patiemment que le juge tira une conclusion de son récit. Sans façon, le magistrat ôta sa perruque et se gratta énergiquement le crâne. Soudain, il se leva et marcha de long en large derrière son bureau. « Mais que vient faire le dénommé Corentin Gassin dans cette histoire » s'écria-t-il. « Vous ne l'avez pas vu ?»« Que nanny qui est-ce » demanda Morel ingénument. « C'est un artisan qui m'a été dénoncé. Il vous aurait séquestré dans sa cave, vous et votre famille. »« Une cave ? Décidément, c'est une idée fixe, » fit Morel, l'air ébahi. « Et pourquoi une cave, grand Dieu ? Qui vous a fait ce récit fumeux ?»« Un dénommé Ronchin. »« Oui, celui qui a déposé plainte contre l'artisan. »« Ah, mais c'est mon homme !» s'écria Morel. « C'est un de mes anciens valets de ferme que j'avais congédié pour vol. En tout cas, je ne saurais trop vous conseiller de le faire arrêter, puisque c'est lui qui est venu me raconter cette histoire de prise de corps contre ma famille, histoire qui est à l'origine de mon malheur. D'ailleurs, je vais déposer plainte contre lui à mon tour. Je croyais qu'il avait pris le large, mais puisqu'il a ex, il faut qu'il paye son forfait. » Lorsqu'il sortit du bureau du juge, Morel n'adressa pas un mot à Anicet. Il attendit d'être dans l'escalier à l'abri des yeux et des oreilles. « Notre affaire se présente le mieux du monde, citoyen. Mais je dois filer chez Rive. Il faut m'oxyre ce Ronchin au plus vite, avant que le juge ne le convoque. Ma parole pèse certes plus que celle d'un paysan, mais ne négligeons rien. »« Et qui va s'en charger ?» s'enquit Anicet. « Oh, cela ne nous regarde pas. C'est le résultat qui compte. » Lorsque le juge déclara le dénommé Ronchin de prise de corps, personne ne fut capable de lui mettre la main dessus. Il semblait avoir disparu, préférant aller respirer ailleurs un air plus sain. La vérité oblige à dire qu'un corps fut repêché dans l'arc, sans qu'il fût toutefois possible de l'identifier. Le juge estima que les charges contre Corentin Gassin étant tombées d'elles-mêmes, l'artisan devait être libéré et l'affaire définitivement classée. Dans le quartier, l'élargissement de Corentin pour la deuxième fois donna lieu à une petite fête. Néanmoins, elle se limita aux proches. Morel n'y assista pas. Ayant repris progressivement sa place dans la hiérarchie sociale de la ville, il expliqua clairement aux deux hommes qu'il valait mieux pour tous qu'il ne vînt pas dans le quartier. Personne ne s'en offusqua, cela faisant partie des us et coutumes de l'époque. Sur le cours, par exemple, les paysans et artisans n'étaient tolérés que d'un côté et encore à la nuit tombée. À cette petite fête, aucun des membres du club des Amis de la Constitution n'assista. Sans aller jusqu'à parler déjà d'une mise à l'écart, Corentin et Anicet comprirent qu'ils étaient peut-être l'objet d'une certaine désaffection, en raison de leur attitude modérée à l'égard des récents événements. De plus, la tension entre les Amis de la Constitution et les frères antipolitiques s'accentuait, attisée par l'abbé Rive, de plus en plus honnie par la municipalité. Au cours de la fête, l'homme d'Aubrasrotte, comme on l'appelait désormais, vint prévenir que ses deux acolytes avaient finalement été élargis. Plus question pour lui de quitter le presbytère et les deux amis devaient se méfier d'eux. Ils passeraient outre aux ordres de l'abbé Rive, et l'homme en était sûr, la première chose qu'ils allaient faire était de se venger.